Déjà plus de demain qu'il me tâne pour que je monte des putains de paroles. Les instrumentaux, ils en ont un vol. Que vont penser mes milliers de fans? Ils n'ont pas l'air de comprendre que mes yeux n'accordent plus au papier. Ça n'est plus à rien d'entreprendre. Et c'est tout qu'elle va quitter. Tu reviens.